Selon le journal d'internet sud-coréen La Voix du Peuple, plus de 10 000 habitants de divers milieux ont livré au boulevard de Gungnam, Gwangju, le 17 courant, la cérémonie de veillée 18 mai, à l'occasion des 36 ans du soulèvement populaire de Gwangju du 18 mai. Il y a eu le témoignage des femmes qui ont perdu leurs enfants, frères et sœurs cadets, lors du soulèvement populaire du 18 mai, ainsi que celles qui ont vu les massacres des militaires de Chunduan. Les participants ont juré de lutter pour l'indépendance, la démocratie et la réunification en s'inspirant de l'esprit du 18 mai.